Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi 95% de la population mondiale ne migre-t-elle pas ? À quoi les individus sont-ils sensibles pour migrer ou ne pas migrer ? Demande le démographe sociologue François Héran. Les migrants sous-estiment-ils le coût de la migration ? Pourquoi, de retour au pays, minorent-ils les difficultés de la migration, de l'installation dans un pays étranger ? François Héran, titulaire de la nouvelle chaire Migration et Société au Collège de France, propose de rétablir les ordres de grandeur du phénomène migratoire et de replacer l'actualité dans la dynamique démographique et sociale. Normalien, polyglotte, agrégé de philosophie, François Héran s'est engagé et prône une approche résolument interdisciplinaire des sciences sociales. Ses premiers travaux l'ont entraîné d'un continent à l'autre avant de diriger de 1993 à 1998 la division des enquêtes et études démographiques de l'INSEE, puis de 1999 à 2009 l'INED. Aujourd'hui, il se partage entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration, qui est porté par 8 institutions sous la conduite du CNRS. Dans une interview donnée au journal du CNRS, justement fin 2018, François Héran explique « Le niveau de connaissance de la société est très faible sur les questions migratoires. Peu de nos concitoyens et de nos politiques savent par exemple que la France, proportionnellement à sa population, accueille finalement très peu de demandeurs d'asile. Les taux d'acceptation sont pourtant tirés des données d'Eurostat, établies grâce aux chiffres communiqués officiellement par chaque pays. Les chercheurs doivent unir leurs efforts pour établir les faits en croisant leurs points de vue, qu'ils soient géographes, sociologues, historiens, économistes, spécialistes en santé publique. C'est l'objectif de l'Institut Convergence Migration que je dirige depuis sa création fin 2017 et qui fédère 280 chercheurs issus de 120 laboratoires différents. Dans la même interview, François Héran revient sur la fermeture des frontières, notamment après l'arrêt de la migration de travail en 1974, et sur les derniers enseignements que nous pouvons en tirer, et je le cite. « Les migrants qui faisaient des allers-retours avec leur pays d'origine ont eu peur de ne plus pouvoir revenir en France et ont commencé à faire venir leur famille. Le regroupement familial s'est consolidé et a fixé ses immigrés sur notre sol. L'idée de l'appel d'air, créée par une politique de visa trop généreuse, se révèle donc fausse. La fermeture des frontières accroît le nombre des immigrés au lieu de le réduire. Cela a été confirmé il y a peu par la grande enquête européenne « Migration entre l'Afrique et l'Europe » menée à la fois dans les pays de départ et dans les pays d'arrivée. Les chercheurs y montrent clairement que le taux de retour en Afrique des Africains a diminué depuis que l'on a réduit le nombre des visas. François Héran poursuit son analyse des facteurs déterminants des migrations aujourd'hui. À côté des économistes, quel est l'apport des sociologues aux théories de la migration ? Quelle est la théorie de la segmentation du travail ? Comment les nouveaux modèles inspirés de la théorie du capital humain révèlent-ils le caractère sélectif des migrations ? Nous poursuivons la présentation et l'analyse des théories de la migration du XXe siècle à aujourd'hui. Nous gagnons le Collège de France le 24 janvier pour le cours de François Héran « Pourquoi migrer ?» 6e opus. Bien, nous allons reprendre et nous allons faire une pause culturelle à propos de la Statue de la Liberté. Vous savez que la Statue de la Liberté, ou peut-être que vous ne savez pas, a failli s'appeler Statue de la Liberté du Commerce. Parce qu'elle avait été promue par les partisans du libre-échange notamment Émile de Laboulay, la Fondation libre des sciences politiques, qui est l'ancêtre de Sciences Po. Et il y a eu de longues discussions entre les libéraux américains et les libéraux français pour savoir comment appeler cette statue. Officiellement, son appellation actuelle, c'est « La liberté éclairant le monde »,« Enlightening the world ». Mais à un moment, il y a eu une très sérieuse discussion pour savoir s'il ne fallait pas l'appeler « La liberté du commerce ». Donc on l'a échappé belle, car évidemment, le symbole aurait été très différent. Et il y a, comme vous le savez, peut-être, à l'intérieur du piédestal de la statue, le piédestal est aussi haut que la statue elle-même. Les Français ont offert la statue, mais ensuite, il a fallu très longtemps, une conscription organisée par des journaux, ça a mis plusieurs décennies, en fait, hein, c'était très très long, pour que les Américains, eux, financent le piédestal et qu'on finisse par hisser la statue et par graver une plaque comportant un poème fameux, qui est le poème d'Emma Lazarus. Alors, le destin des Lazarus vaut la peine qu'on s'y attarde quelque peu. Elle est donc l'auteur de ce poème de New Colossus. Elle est juive. Elle est considérée comme étant la première poétesse juive. Elle était tout à fait indifférente à la religion dans sa jeunesse, mais elle est très émue par le sort des juifs victimes des pogroms de Russie, qui en gros se sont étalés de 1875 à 1914. Ça a été toute une série d'épisodes à répétition. Et en 1882, toute jeune, elle écrit et publie les Songs of a Semite, la danse de la mort et autres poèmes en hommage aux victimes des pogroms. Elle voyage ensuite en France et en Angleterre. Et là, on lui commande un poème. Le poème était destiné à recueillir des fonds. C'était la récitation en public de ce poème qui devait aider à recueillir des fonds pour ériger aux États-Unis le socle de la Statue de la Liberté. Et elle meurt peu de temps après, à l'âge de 38 ans, d'un cancer. Et c'est donc à titre posthume qu'en 1903, on a pu finalement graver un extrait du sonnet sur le socle de la statue. Alors, voici l'extrait du poème qui figure au pied de la statue et qui a été l'objet de beaucoup de controverses. Encore récemment, un conseiller du président Trump, à qui on disait « Mais enfin, ce poème, c'est quand même un accueil à tous les réfugiés, ça fait partie de notre tradition. » Et le conseiller a dit « Mais écoutez, ce poème, il est dans le piédestal. Le piédestal, c'est très différent de la statue, ça n'a rien à voir. » Ça a été l'argumentaire utilisé. Donc, on va le lire et le traduire. « Keep ancient lands your storied pomp. » Alors, c'est un vocabulaire assez raffiné, assez élaboré. Hein. Ce n'est pas de l'anglais courant. « Keep ancient lands your storied pomp, cries she. »« Gardez, vieux monde, vos fastes surannées, lance-t-elle. » Alors, c'est ma traduction, hein. With silent lips, give me your tide, your poor, de ses lèvres closes. Donc, donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, your huddled masses yearning to breathe free. Alors, vos foules en renserrées, assoiffées de liberté. C'est une traduction un peu libre. The wretched refuse of your teeming shore. Ça, c'est très difficile à traduire. Le misérable rebut de vos rivages surpeuplés. Teeming, ça veut dire grouillant de monde. Il y a l'idée quand même de... Il y a une espèce de thèse démographique, là, dans cette strophe. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. Envoyez-les-moi, ces sans-abri jetés par la tempête. I lift my lamp beside a golden door. Je lève ma torche au flanc de la porte d'or. Et hier, j'étais au comité d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui est le musée de la Porte Dorée, et il ne le savait pas, il ne s'était jamais aperçu que le poème d'Emma Lazarus sur la Statue de la Liberté se termine par « Je lève ma torche aux côtés, au flanc de la Porte d'Or ». Eux aussi sont à la Porte Dorée. Ils sont gênés par ça, parce que la Porte Dorée, ça a une idée de luxe, alors que c'est un ministre du ministère de l'immigration. Je leur ai dit « Mais non, pas du tout. Revendiquer la Porte d'Or comme faisant partie de la promesse ». De la promesse d'accueil. Alors évidemment, il y a eu des évolutions. Il y a certains pays, et notamment aux États-Unis, tout un courant pour dire que quand même, ce qu'il faudrait maintenant attirer, c'est plutôt le capital humain. Et donc là, j'ai imaginé une variante du poème d'Emma Lazarus qui actualise un peu quand même le propos. À moi, dit-elle, vos cerveaux. Vos talents, votre capital humain, en quête d'un meilleur rendement, que la crème des nations surtaxées, les premiers de cordée, gravissent mon piédestal et prennent la lumière. Je garde mes caves obscures pour les soutiers. Ce n'est pas de la haute poésie, ce sont des vers de Mirliton, j'en suis désolé, il faudrait une version anglaise. Mais enfin, nous aborderons en temps voulu tout ce problème, et là, en fait, j'anticipe déjà sur cette autre théorie des migrations, qui est la théorie de la dualité du marché, hein, de la bifurcation des marchés au niveau mondial, et le fait qu'on peut à la fois vouloir attirer le capital humain le plus élevé et, en même temps, se préserver. Alors, c'était le vieux thème marxiste de l'armée de réserve, enfin, se préserver des emplois vulnérables, flexibles. Ça a longtemps été les femmes, ça a été ensuite les jeunes, ça peut être ensuite les immigrés, ça peut être les trois à la fois. Et donc, nous évoquerons cette théorie nouvelle. Voilà. Alors, essayons de garder un peu notre sérieux. C'était donc l'intermède culturel que je vous proposais. Il y a eu, et je vous le présente ici, de la part des sociologues, des tentatives tout à fait intéressantes de présenter aussi un peu une théorie générale des migrations. Et celle qui a eu le plus d'influence, c'est le modèle présenté par Everett Lee dans Demography, qui est encore aujourd'hui l'une des grandes revues, l'une des revues majeures, comme on dit, de démographie, donc en 1966. Et vous voyez, ça s'intitule « A Theory of Migration », une théorie de la migration. Et voilà le schéma fameux qui est souvent repris dans les manuels. Au fond, à l'origine comme à la destination, vous avez une série de facteurs qui peuvent être positifs, ce sont les plus, qui peuvent être négatifs, ce sont les moins, donc les facteurs répulsifs ou au contraire qui vous attachent au pays d'origine. Et puis les petits ronds, c'est les facteurs neutres. Au pays de destination, même chose, un mélange de facteurs positifs, de facteurs négatifs et de facteurs neutres. Et puis dans l'intervalle, toute une série d'obstacles qui s'interposent et que Everett Lee donc essaie de thématiser. Alors, il explique, Everett Lee, que là, c'est assez inspiré de la théorie néoclassique, que les gens évaluent à la fois dans les pays d'origine et les pays de destination les facteurs favorables ou les barrières à la migration. Il y a parmi les intervening obstacles, parmi ces obstacles qui interfèrent, eh bien, il y a la distance, d'abord, tout simplement. Il y a, et il utilise la formule des économistes, les coûts de transaction. Les coûts de transaction, c'était une formule qui a été lancée dans les années 30 par Ronald Coase, C-O-A-S-E. Ronald Coase, c'est quelqu'un qui a écrit deux articles très courts dans sa vie, et ces articles lui ont valu le prix Nobel. C'est le meilleur rendement jamais observé dans l'histoire du prix à la mémoire d'Alfred Nobel, du prix de la Banque de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel, c'est le meilleur rendement. Deux petits articles, un dans les années 30, un dans les années 60, qui ont créé la théorie des coûts de transaction, la théorie de la firme, de l'entreprise, et montré que les coûts de transaction entre tous les partenaires, les commanditaires, les fournisseurs, etc., c'était un coût essentiel dans le fonctionnement de l'entreprise. Et très très longtemps après, en même temps que Samuelson, je crois, qui était son disciple, il a finalement reçu le prix Nobel dans les années 80, me semble-t-il, alors qu'il était déjà en fin de vie. Il explique que parmi les obstacles qui interfèrent entre l'origine et la destination, il y a les coûts d'opportunité, opportunity cost, et là-dedans, parmi les coûts d'opportunité, il y a le fait de devoir changer de langue, éventuellement, de se retrouver seul, tous les problèmes d'intégration dans le nouveau système social. Et l'idée, c'est que they migrate only if the gains due to migration seem to be higher than the cost. Toujours la même chose, ils migrent uniquement si les gains dus à la migration sont plus élevés que ses coûts. Mais, et c'est là que Everett Lee est quand même plus intéressant que cette vulgate que je viens de vous énoncer, leur calcul peut être fortement biaisé. D'abord, il y a une information qui est excessivement optimiste, qui est transmise par les migrants précédents, qui ont besoin de sauver la face, d'afficher quand ils rentrent au pays qu'ils ont réussi, ce qui est loin d'être le cas parfois, et qui ont finalement la nécessité de préserver leur cohérence cognitive, dit Everett Lee, cognitive consistency. Et leur cohérence cognitive, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait que c'est très difficile de se déjuger, de paraître aux yeux des autres, donner l'impression qu'on se déjuge. Et ça, c'est quelque chose de très fort, hein, qui existe dans tous les moments de la vie. Quelqu'un qui a beaucoup insisté là-dessus, c'est Erving Goffman, le grand sociologue canadien-américain, qui montre que ça nous poursuit, cette volonté de démontrer notre cohérence, la cohérence de la conduite, nous poursuit, mais tout le temps. Je marche dans la rue, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, je change, je rebrousse chemin, mais j'éprouve le besoin de dire à la cantonade, un peu à mi-voix, « Ah zut, j'ai oublié quelque chose et je rebrousse chemin. » Pourquoi ? Parce que ben, normalement, dans la vie, on poursuit son chemin. Et si tout à coup, on change de direction, il y a quelque chose de bizarre. Vous êtes presque fou, quoi. Il n'est pas normal de tout à coup rebrousser chemin alors qu'on était sur une voie que tout le monde pouvait anticiper, sur une direction qui vous permettait aux autres d'anticiper votre conduite. Il est normalement prévu que quand vous vous dirigez vers quelque part, vous continuez votre chemin. Et tout à coup, vous faites l'inverse. Vous éprouvez le besoin de le dire à la cantonade. « Ah ben zut, je me suis trompé ». Et toutes ces interjections, alors tout ceci figure dans le très bel article de Erving Goffman sur les response cries, les interjections qui réagissent. J'ai besoin de signifier aux autres que je garde les choses sous contrôle, que je ne suis pas fou. De la même façon, quand on dit « oups », alors ça c'est un mot anglais emprunté par les Français, mais « oups », ça veut dire « zut, j'ai lâché quelque chose par inadvertance », mais si je dis « oups », c'est que je montre aux autres que je suis conscient d'avoir lâché ça par inadvertance. Et donc, la situation est sous contrôle, je vous le signifie. Et vous avez aussi l'équivalent chez les mères de famille ou les pères de famille qui jettent un enfant au-dessus d'eux, mais qui le rattrapent et qui accompagnent le geste en disant « Oupala !» etc. Le « Oupala !» ça veut dire à l'enfant « Je ne te balance pas comme ça. J'ai conscience que si je te jette, c'est pour pouvoir te rattraper, que c'est sous contrôle, et je te le dis à toi, je le dis aux autres, et tout le monde comprend que je ne suis pas en train de me débarrasser de mon enfant. » Bon, donc, je crois que ces digressions sont utiles, parce que je voudrais peu à peu vous apprendre un peu ma manière de raisonner, qui consiste à essayer sans cesse, un peu par association d'idées, de tracer comme ça des connexions avec d'autres disciplines. Nous avons besoin d'affirmer notre consistance cognitive, notre cohérence cognitive, l'inverse c'est la dissonance cognitive, il y a toute une théorie de la dissonance cognitive évidemment qui est très connue, mais c'est un besoin social fondamental puisque sinon, eh bien, le migrant qui revient au pays a besoin de montrer aussi qu'il n'a pas poursuivi son projet en vain et que ça a amélioré son sort. D'où effectivement, et ceci n'est pas une invention, c'est observé dans une quantité de récits anthropologiques, une tendance des migrants à dresser un portrait rose de leur situation dans le pays de destination. Et donc, du coup, pour les témoins de ces récits de migration, de ces récits de revenants ou de visiteurs, une tendance à sous-estimer les coûts de la migration. Et tout ceci figure dans l'article d'Everett Lee. Vous voyez que dès 1966, beaucoup de choses sont dites. Alors, il explique aussi, il revient assez longuement, sur le fait que la durée du séjour est sous-estimée. À mesure que les enfants grandissent, de nouvelles contraintes, évidemment, font que les éléments du calcul rendent de plus en plus difficiles les projets de retour. Et puis aussi, Everett Lee en parle en 66, alors on est vraiment dans le contexte, on est dans l'année qui suit le vote de la loi sur les droits civiques, une sous-estimation des problèmes de ségrégation et de discrimination que l'on va rencontrer dans le pays de destination. Donc tout ceci, ça fait partie des facteurs négatifs au pays de destination, ça peut aussi faire partie des obstacles qui interfèrent entre les deux. Ce qui est un peu frappant, c'est que jusqu'à l'intervention de Douglas Massey, finalement, il y a une relative imperméabilité entre les modèles économiques et les modèles sociologiques ou sociodémographiques. Là, on a un modèle sociodémographique de la migration. Les deux univers sont relativement disjoints. Avec Douglas Massey, on a un rapprochement. On a la volonté de Douglas Massey de pouvoir aussi intégrer les modèles économiques dans son panorama général des théories des migrations. Mais on ne peut pas dire que les économistes étaient dûment représentés dans son comité, le comité qu'il avait établi au sein de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population. Et ça reste quand même une vision extérieure des modèles économiques. Sauf pour une théorie particulière sur laquelle il s'étend longuement, parce que finalement, assez globalement, il la partage, qui est la théorie de la segmentation du marché du travail. Et là, avec la théorie de la segmentation du marché du travail, nous changeons de registre. Nous passons de modèles qui étaient plutôt des modèles micro, d'explication de la décision individuelle, même s'il y avait des contraintes collectives ou familiales, etc., nous passons à des modèles qui sont en fait beaucoup plus macro, où les acteurs sont finalement des forces collectives de très grande ampleur. Et de toutes les théories de la migration, c'est celle qui va retenir le plus longtemps l'attention de Douglas Massey, et l'auteur de référence est Michael Piore, P-I-O-R-E, qui a été professeur au MIT à Boston et qui est auteur d'un livre phare qui sera très souvent cité, publié en 1979, Birds of Passage, les oiseaux de passage. Donc, c'est l'idée que les migrants sont en quelque sorte une main-d'œuvre utilisée de façon provisoire pour les besoins d'intérêts économiques de grande ampleur. Alors il ne s'agit plus donc d'ériger le migrant en acteur capable de calculer son intérêt bien compris et de faire des choix en conséquence. Le migrant, cette fois, dans cette théorie néo-marxiste, on peut le dire, est le jouet, pour ne pas dire la victime, de forces macroéconomiques qui le dépassent. Les forces de répulsion, les push factors, en fait, dans cette théorie, comptent assez peu en regard des forces d'attraction, des pull factors. Dans cette théorie de la segmentation du marché du travail, il y a un relatif désintérêt pour ce qui se passe dans les pays de départ. Ce sont vraiment les besoins des pays industriels et finalement en marche vers la globalisation. C'est ça l'idée qui va s'affirmer. Ce sont les besoins des pays industriels qui vont fondamentalement régler les mouvements de la migration dans cette théorie. La migration internationale est induite par une demande de travail bon marché, flexible, qui est inhérente aux pays industriels. C'est une espèce de tendance incurable, une demande chronique. Et dans cette vision, le marché du travail, selon Michael Piore, qui se lit très bien, c'est un auteur qui se lit vraiment très bien, où il y a beaucoup de sociologie du travail en même temps que de l'économie du travail. Enfin, c'est un des auteurs économiques qui sera le plus lu par les sociologues. Il y a une division, une séparation assez stricte entre deux secteurs. Le secteur qu'il appelle primaire, qui est un secteur qui est hautement protégé. Et puis, un secteur vulnérable, qui est le secteur secondaire. Le premier secteur concentre les emplois hautement qualifiés et stables, qui accompagnent la conduite des systèmes techniques les plus élaborés, qui sont produits donc par un investissement intense en capital physique. Ce sont des salariés plutôt syndiqués, plutôt protégés par des conventions collectives. Ils ont des grilles indiciaires, il y a des contrats durables. Donc Piore passe beaucoup de temps à décrire de façon extrêmement précise les conventions collectives, par exemple. Tout le système de protection, de construction, des grilles salariales, des définitions, des qualifications, etc. Et c'est pour ça que des auteurs comme Alain Desrosières, Laurent Thauvenot, Michel César, qui, à l'INSEE, dans les années, au début des années 80, ont refondu la classification des catégories socioprofessionnelles sur la base des conventions collectives, c'était ça vraiment l'idée, eh bien, ont beaucoup cité Michael Piore, l'ont invité dans des colloques, enfin, il y a eu à cette époque-là, dans les années, première moitié des années 80, une influence très forte de Michael Piore sur les statisticiens économistes français, attentifs au fonctionnement du marché du travail. Et en particulier, ce qu'explique Michael Piore, c'est que ces salariés du secteur primaire, hautement protégés, finalement, ils sont protégés aussi des variations du cycle économique. Si les affaires ne marchent pas, ils vont être très difficiles à renvoyer. Ils sont difficilement congédiables en cas de récession. Le niveau du salaire du secteur primaire, d'ailleurs, ne reflète pas finalement l'état du marché du travail, la correspondance entre l'offre et la demande de travail. Parce qu'en fait, dans le niveau de salaire, explique Piore, c'est un élément important de sa théorie, il y a toute une composante de prestige social, il y a une garantie de prestige social. Le salaire est plus que la simple résultante de la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché du travail. C'est un marqueur de statut. Et un marqueur de statut particulièrement rigide, sur lequel finalement les employeurs ont peu de prise. Et donc là, on est dans le système fordien, syndicalisé, etc., décrit par Pioret. Et dans le secteur secondaire, qui est dit secondaire, donc plus intensif en travail, ben les emplois sont peu qualifiés. Ils sont exposés au licenciement en fonction de la conjoncture économique et financière. Et pour pallier le manque de main-d'œuvre dans ce secteur, les employeurs font appel, comme j'avais commencé déjà à vous le dire, à trois catégories de salariés qui sont censés accepter plus aisément des emplois transitoires et instables, les jeunes, les femmes, les immigrés. Et ces derniers en particulier ne revendiquent pas de salaire stable assorti d'une reconnaissance statutaire, puisque ce qu'ils cherchent, c'est à percevoir une rétribution notablement supérieure à celle qu'ils auraient obtenue dans leur pays. S'ils en tirent de l'honneur et du prestige, c'est pas dans les pays hauts, dans les pays d'accueil, c'est dans le pays d'origine. Mais finalement, il n'y a pas le même lien interne, intrinsèque, entre la rétribution et finalement le statut social ou l'honneur. Et donc, du coup, ils sont prêts à accepter des conditions que le premier secteur ne pourrait absolument pas accepter. Alors, un autre chercheur américain, lui aussi, qui sera professeur à Princeton, qui deviendra un collègue de Douglas Massé, va développer cette théorie de la segmentation du marché du travail. C'est un sociologue d'origine mexicaine, j'en suis pas sûr, Alejandro Portes, P-O-R-T-E-S, qui vient lui aussi de prendre récemment sa retraite du département de sociologie de Princeton, et qui lui, alors, s'est particulièrement concentré sur la création des enclaves ethniques dans le marché de l'emploi. C'est une façon de cristalliser l'existence de ce secteur secondaire. Alors bon, il y a eu pas mal de critiques sur cette théorie de la segmentation du marché du travail. Est-ce que les choses sont aussi binaires que ça, aussi duelles que ça? La réponse de Pioret et de Portes, qui appartiennent à deux générations successives, hein, mais qui se sont relayées là-dessus, c'est que, le système de protection par convention collective, grille, salaire, syndicalisation, etc., dresse vraiment des barrières tout à fait rigides. Et du coup, il y a bien un système binaire qui s'installe et la migration vient en réalité finalement alimenter beaucoup le système secondaire, mais également le système primaire. Alors ce qui est intéressant, et ça, ça a été développé par, je dirais, des disciples plus récents, cette division, elle va traverser aussi le monde de la migration. Il va y avoir des migrants légaux, légalisés, qui vont s'intégrer dans le système primaire. Et finalement, la France est un exemple aussi de pays où l'industrie, d'une certaine manière, un certain nombre de secteurs ont réussi à intégrer de façon durable les immigrés, et pas simplement en les vouant à la clandestinité. Et puis, il y a les migrants. Alors ça, c'est surtout le cas, évidemment, aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même un système étrange qui intègre les gens en les vouant à la clandestinité. Il y a 11-12 millions, semble-t-il, de personnes sans papier aux États-Unis, mais qui sont là, évidemment, parce que les entreprises en ont besoin, parce que les petites entreprises d'une part, les grandes entreprises de l'autre ont besoin de cette main-d'œuvre peu exigeante. Et lorsqu'on interviewe d'ailleurs les employeurs, ils vont vous expliquer que, par exemple, ils préfèrent avoir des migrants qui ne parlent pas anglais, comme ça ils ne peuvent pas s'organiser, ils ne peuvent pas contester les règlements, etc. Donc, des migrants pour qui l'intégration soit beaucoup plus difficile à réaliser, ils les préfèrent à, par exemple, des migrants d'origine indienne qui ont le grand défaut de parler anglais et donc de pouvoir présenter des revendications de façon directe. Et ceci figure en toutes lettres dans des interviews auprès d'employeurs qui expliquent aux sociologues, aux économistes, leur stratégie d'emploi. Donc, cette théorie de la segmentation du marché du travail a été développée, parfois exagérée, enfin portée à un degré d'incandescence extraordinaire. Et notamment, on pense à Saskia Sassen, S-A-2-S-E-N, qui illustre la poursuite de cette théorie. Il y a vraiment l'idée, et Douglas Massé est très intéressé par ça, le fait que finalement, les grandes multinationales, dans cette théorie, encourage finalement ce système, emploie toute une main-d'œuvre relativement précaire, et finalement, en même temps, et ça c'est un peu la perversité du système, aide les migrants d'une certaine manière à poursuivre leur carrière clandestine en les dotant des moyens techniques, des réseaux sociaux, des téléphones portables, etc., qui leur permettent, par exemple, de franchir plus aisément les frontières. Une partie de cette théorie va essayer de retourner en quelque sorte la figure du migrant, et au lieu d'en faire une victime tout à fait passive, un peu une espèce de limaille de fer qui serait attirée au gré des intérêts de la globalisation, vont essayer d'en faire au contraire une espèce de héros, de tricksters, enfin ces héros qui ont dérobé le feu, et vont présenter le migrant comme étant l'homme, le stratège, l'homme ou la femme capable de déjouer les systèmes de contrôle de l'État westphalien, capable de franchir allègrement les frontières. Et vous avez des variantes intéressantes en France de ce genre de théorie. Par exemple, Alain Darius, qui est un géographe, T-A-2-R-I-U-S, qui a officié à l'université de Toulouse-Lamiraille, qui a pris sa retraite récemment. Alain Darius, de façon tout à fait pionnière, un peu avant tout le monde, bien avant les Américains, a suivi tous ces migrants transnationaux. Au fond, c'est un des pionniers de la théorie transnationale, l'idée que les migrants, eh bien, sont à la fois ici et là, peuvent trafiquer allègrement en franchissant les frontières, développer toutes sortes de pratiques. Et vous avez des étudiants, des disciples de Tarius qui vont vous décrire de façon extrêmement précise la façon dont les migrants vont s'arranger avec les papiers. Vous avez des anthropologues américains aussi qui font ça, qui vont vous expliquer que les Asiatiques sont extraordinairement forts pour fabriquer de faux papiers et que les Africains sont géniaux pour que le même papier puisse servir à plusieurs personnes à la fois. Donc ils vont vous décrire tout ça en détail. Je me souviens d'avoir assisté à plusieurs reprises à des colloques d'anthropologie internationaux où des anthropologues ou des géographes, ce sont les deux disciplines qui ont été les plus attentives à décrire tout ça par le menu, avec un formidable travail de terrain, eh bien, vont décrire toutes les stratégies de contournement clandestin. Et quand on assiste à ces colloques, on se dit, bon, il vaut mieux que le ministère de l'Intérieur ne soit pas là, quand même, pour prendre connaissance de tous ces stratagèmes, parce que il y a des stratégies, mais ces stratégies reposent sur toute une succession de stratagèmes, avec évidemment aussi tout un marché de l'intermédiation. Et on arrive là à la fameuse question des passeurs. C'est compliqué, l'histoire des passeurs, parce que vous avez d'un côté, à chaque fois qu'il y a des gens qui attendent, qui espèrent, il y a un goulet d'étranglement, on passe des heures à attendre, il y a spontanément une partie de la population en question qui se propose pour aider les autres et pour centraliser les demandes, les procédés, la nourriture, etc. Et puis ils deviennent en quelque sorte des spécialistes du passage. Et puis vous avez d'authentiques gangs de trafiquants et criminels. Et vraiment, leur existence est totalement indéniable. Elle est vraiment très frappante. Et on l'a vu, on les a vus officiers à Calais, à Grande-Synthe, etc. Mais le problème, c'est que vous avez un continuum incroyablement large entre les gens qui s'entremettent spontanément, qui sont eux-mêmes des migrants pour aider leurs compatriotes, et les trafiquants qui exploitent la situation. Et c'est pas facile, hein. Il y a parfois une tendance à mettre tout le monde dans le même sac qui représente, à mon avis, très mal la réalité. Le Collège de France et France Culture vous présentent la série du démographe sociologue François Héran, Pourquoi migrer ? Donc, une partie de la théorie de la segmentation du marché du travail va se développer sur la question du transnationalisme. Le transnationalisme est un courant très puissant des études migratoires qui consiste à, d'abord au début, à documenté de façon précise par des enquêtes ou par une observation ethnographique le fait que les migrants, même s'ils sont installés dans le pays hôte, continuent d'entretenir des liens avec le pays de départ. Ces liens peuvent être, bien sûr, les transferts financiers, ça, c'est un lien fondamental. Ces liens peuvent être des communications à distance. Vous avez maintenant un grand nombre de migrants qui utilisent Skype pour communiquer à distance. Et Dana Diminescu, qui s'est spécialisée dans l'étude de ce genre de phénomène, a montré aussi des cas presque pathologiques où le Skype est allumé en permanence, toute la journée. Et ça permet à la mère de famille indonésienne de surveiller sa fille à des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est un lien transnational qui, loin de libérer les gens, hein, la capacité à franchir les frontières, à être à l'aise aussi bien ici que là, etc., peut aussi les emprisonner. Hein, et ça, c'est important. Le réseautage peut être un instrument de libération, d'émancipation, ou au contraire, un instrument d'asservissement, même dans certains cas, comme celui que je viens d'évoquer. Mais le transnationalisme, c'est aussi la fréquence à laquelle on passe ses vacances au pays, c'est les pratiques. Elles ont été observées notamment dans la diaspora portugaise, consistant à envoyer ses enfants à l'école au pays pendant quelques années, puis ensuite confier à une grand-mère, par exemple, et puis ensuite à le faire revenir l'enfant en France. Donc les Portugais sont parmi toutes les communautés installées en France, une de celles qui a le plus pratiqué le maintien du lien avec le pays d'origine, notamment parce que, ça s'explique en partie par le fait que la migration portugaise, c'est quand même essentiellement la migration de la petite propriété microfondière. Hein. Quand vous regardez le Portugal, vous avez la Alentejo au sud, qui est la grande zone de propriété latifondière avec d'immenses propriétés et des ouvriers agricoles. Elle a très peu migré, cette zone-là. C'est une des zones les plus pauvres. Il y a un prolétariat agricole qui, dans les années 60-70, était extrêmement pauvre. Non, la partie qui a le plus migré, la partie du Portugal qui a le plus migré vers la France, c'était tous ces micro-propriétaires, ces micro-fondières des deux tiers nord-est du pays. Et du coup, des gens qui ont caressé un projet, ont souvent réalisé de construire une maison au pays d'origine, de la peindre en couleurs brillantes. Quand vous visitez les villages portugais, vous avez ces villages multicolores, parce que chacun y va de sa peinture pour rafraîchir la maison et montrer à quel point elle est sur pied et visible et belle, etc. Et donc, c'est une des migrations qui, beaucoup plus que l'espagnol, qui a été souvent une migration de rupture, là, au contraire, au Portugal, c'est une migration de continuité. Ce sont des petits paysans qui ont eu recours à la migration comme assurance pour essayer de continuer de vivre au sein de leur communauté. Je rappelle que le Portugal a une caractéristique en Europe, c'est le pays qui a la plus grande densité en communes. Il y a un fractionnalisme, une multiplicité de petites communes, hein, il y a un habitat très très particulier, alors qu'en Espagne, c'est le cas seulement de quelques parties dans le nord du pays, mais la taille des communes en Espagne est beaucoup plus grande qu'au Portugal. Donc ce sont deux sociétés très différentes, avec des comportements transnationaux vraiment très différentes. Et donc, ça a été les va-et-vient, les retours, au fond, la migration comme circulation. Et ça, c'est un grand thème des recherches auxquelles Douglas Massey a contribué lui-même. C'est que finalement, il y a une intense circulation entre les pays hôtes et les pays d'origine, mais de façon très différente selon les communautés. Et tout un travail d'observation ethnographique a été consacré à cet aspect transnational. Alors le transnationalisme peut devenir, est devenu presque une doctrine, et quand il se rattache à la théorie de la segmentation du marché du travail, il peut se développer aussi en ce qu'on appelle la théorie historique structurale. Structural, historical, or historic, structural, bon, c'est les appellations varient un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est également ce qu'on appelle la théorie du système monde, world system. C'est l'idée que cette segmentation du marché du travail que vous écrivez tout à l'heure, elle a aussi une traduction planétaire, mondiale, qui est la distinction entre le centre et la périphérie. Le centre, ce sont les pays occidentaux, et notamment le centre du centre, ce sont les grandes métropoles mondiales, comme New York, Londres, Toronto, Sydney, etc., qui se développe. Et ça, c'est le grand thème de recherche de Saskia Sassen, de focaliser donc son attention sur la demande permanente, intrinsèque, comme ils disent, de travail immigré, qui est partie prenante du développement de ces grands centres urbains. Donc, le centre a besoin de la périphérie, mais évidemment, tient cette périphérie dans une catégorie de seconde zone, ce que j'ai essayé d'écrire dans mon pseudo-poème de la statue de la liberté. Voilà un peu l'ensemble général, donc transnationalisme, système monde, théorie de la segmentation du marché du travail. Toutes ces sous-théories, en fait, se sont rapprochées, forment un ensemble assez puissant actuellement dans les études migratoires, et qui aboutissent à l'idée que finalement, au fond, la confrontation, c'est quoi? C'est l'individu migrant qui, selon le cas, peut être victime ou stratège, les deux variantes existent, face à de grandes entités qui sont, au fond, celles du capitalisme mondial, qui travaillent à marche forcée vers la globalisation. Et entre les deux, l'État, dans cette théorie, existe très peu. Fondamentalement, la théorie segmentaire ou transnationale considère que l'État westphalien, c'est-à-dire ces États issus du traité de Westphalie, c'est la fin de la guerre de 30 ans, 1618, défenestration de Prague, 1648, traité de Westphalie. Donc tous ces États westphaliens, finalement, ont considérablement perdu de leur souveraineté parce que les multinationales, d'un côté, se jouent des États, et on le voit aujourd'hui avec les efforts désespérés que font les États pour essayer de faire en sorte que ces compagnies-là, les GAFA par exemple, puissent payer des impôts en proportion de leur activité. On voit à quel point c'est difficile. Et puis de l'autre côté, le migrant lui aussi se jouerait des États. Et ça, évidemment, c'est l'exemple américain qui pèse considérablement dans cette théorie. Le fait d'avoir 12 millions de clandestins aux États-Unis, cas absolument unique dans le monde. Aucun grand pays occidental, en tout cas, n'a une telle proportion de clandestins sur son territoire. On ne peut pas du tout transposer la situation américaine à la situation européenne. Ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Donc il y a cette idée que, finalement, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, que l'État joue très très peu de rôle dans ce face-à-face entre le migrant individuel livré à lui-même avec sa misère et son génie et les grandes compagnies multinationales qui, en même temps, sont capables de le doter d'outils pour qu'il puisse encore plus facilement se déjouer des frontières. Bon. Bien sûr, cette théorie a pris, et là, c'est quelque chose que Mouglas Massé ne pouvait pas savoir, cette théorie a quand même pris un coup dans l'aile à la suite de la crise de l'accueil, de la crise des migrants depuis 2015. Parce qu'un des grands, une des grandes leçons que nous pouvons tirer de l'expérience 2015, 2016, 2017, 2018, c'est le retour en force des États. Je vous ai montré dans la première séance à quel point la capacité des pays à y attirer les demandeurs d'asile d'une part, puis ensuite à leur accorder une protection effective de l'autre, variait considérablement au sein même de l'Union européenne. J'avais montré qu'il y a un rapport de 1 à 700 dans la proportion de demandeurs d'asile auxquels on accorde protection par million d'habitants, car c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est par ce genre d'indicateurs. Donc quand on a de telles disproportions, de tels clivages au sein d'un système qui paraît uni, n'est-ce pas, on se dit que finalement l'Union européenne compte assez peu par rapport à tout ça, elle pèse peu dans les mouvements migratoires, et c'est d'une part les préférences des migrants qui ont joué. Et ceci se voit dans le fait que les Syriens, par exemple, représentaient 33% des demandes d'asile en Allemagne et seulement 3% des demandes d'asile en France pendant ces trois dernières années. Donc il y a eu les préférences des migrants eux-mêmes qui ont joué. Mais il y a eu aussi, évidemment, le comportement des États. Et l'attitude de l'Allemagne n'a pas été la même que celle de la France. La Grande-Bretagne est encore plus fermée que nous, sans parler des anciens pays communistes, comme je vous le disais, qui, eux, n'ont quasiment accueilli personne. Donc, évidemment, là, on a une leçon à tirer. Alors, cette leçon, elle est venue principalement des chercheurs en sciences politiques. Parce que les théories transnationales ont vraiment pris corps chez les géographes et chez les anthropologues, qui suivent au plus près les mouvements des personnes et franchissent les frontières avec elles. Très tôt, ils ont doté de GPS pour pouvoir suivre leurs mouvements, etc. C'était ça les méthodes des anthropologues et des géographes qui ont étudié les mouvements transnationaux des migrants. Et la science politique, elle fait autre chose. La science politique, elle s'intéresse aux relations internationales. Et lorsqu'elle interroge les relations internationales, évidemment, alors c'est des méthodes très macro, eh bien, elle constate le formidable retour des États, put the state into the picture, remettre l'État au cœur du tableau. Et vous avez notamment un exposé extrêmement systématique de ce retour de l'État dans le fait que, dans un livre collectif que je présenterai un peu plus longuement à la prochaine séance, qui s'appelle Migration Theory, théorie des migrations, qui est donc coédité par une anthropologue, Madame Bretel, B-R-E-T-E-L, et un spécialiste de sciences politiques, et James Holyfield, dont j'avais évoqué la figure dans ma leçon inaugurale. Eh bien, Bretel et Holyfield, dans ce livre Migration Theory, qui en est à sa troisième édition, consacre tout un chapitre par discipline et explique notamment que, évidemment, le retour de l'État est important. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, mais quelle est la place, quel est le rôle que jouent les droits dans tout ça? J'avais insisté sur le droit au regroupement familial, le droit d'asile, le droit à épouser qui l'on veut et donc à faire venir un conjoint de l'étranger qui alimente la migration matrimoniale, très importante chez nous. C'est 50 000 personnes par an. Donc, vous avez la logique économique, vous avez la logique des droits, vous avez une logique de souveraineté nationale. Comment s'articulent toutes ces logiques et comment contribuent-elles, finalement, à former, à structurer les décisions de départ des migrants qui vont être le jouet de toutes ces forces? Une partie des théoriciens de sciences politiques, qui appartiennent au mouvement du réalisme, de la réelle politique, si vous voulez, explique que même la conversion des États à la logique des droits est le résultat d'un rapport de force international, d'une espèce d'obligation qui a été faite à ces pays-là. Et vous avez notamment un livre très important qui est assez récent, qui date de 2014-2015, Fitzgerald en un seul mot, qui a étudié toute l'évolution des législations et des mouvements migratoires depuis 1850 jusqu'à nos jours, dans ce qu'ils appellent l'hémisphère ouest. C'est une expression utilisée aux États-Unis. L'hémisphère ouest, c'est toutes les Amériques, plus l'essentiel du Pacifique, y compris l'Australie parfois. Et donc, toute cet hémisphère ouest, ils ont analysé toutes les législations, ils les ont codées, ils les ont décortiquées, et ils ont montré que, contrairement à ce qu'on croyait, les théories sélectives de la migration, les sélections racistes, à base eugénique, par exemple, n'était pas le fait des dictatures, qui sont nombreuses dans ces pays-là du monde, notamment en Amérique du Sud, mais était le fait des États libéraux. Ça, c'est un des points très forts de ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité historiquement constatée entre le libéralisme de certaines démocraties et l'usage de sélections raciales ou religieuses ou linguistiques, etc., qui ont été très, très pratiquées par tous ces États. Alors, évidemment, on pense aux États-Unis avec les quotas qui ont sévi donc de 1923 à 1965, mais prenez un pays comme le Canada. Le Canada a eu une législation extraordinairement dure jusque dans les années 60, 70 même, et ne permettait finalement qu'une émigration blanche. L'Australie, c'est pareil. Ils ont eu des législations extrêmement sélectives et à fondement nettement raciste. Comment, c'est ce que disent les auteurs, comment ces États ont-ils basculé dans une autre forme de sélection et comment le Canada est-il devenu aujourd'hui presque le parangon de la démocratie libérale, bienveillante, etc., les auteurs pensent que, expliquent et démontrent, je pense, que c'est sous l'influence de la pression internationale, c'est pour la nécessité de changer d'image. Ce n'est pas la découverte spontanée de la logique des droits, c'est une pression internationale qui a fait que, pour régler des problèmes internes, notamment, il a fallu respecter les diasporas internes et respecter aussi la pression diplomatique des pays émetteurs de main-d'œuvre qui ont beaucoup peser pour que les États changent leurs pratiques. Ceci est observable en Europe également. Nous maltraitions les immigrés d'une façon tout à fait étonnante dans les années 60. On les débauchait souvent pendant les vacances, on les rembauchait à la rentrée, sans les payer dans l'intervalle. Et il a fallu l'action diplomatique de l'Italie, notamment, mais aussi de l'Espagne, pour que nous mettions fin à ces pratiques. Alors, aux États-Unis, en Australie, au Canada, etc., il y a eu des pressions équivalentes, tout aussi puissantes, sinon davantage, pour qu'effectivement, on mette fin aux politiques de sélection raciale et qu'on passe soit à l'absence de sélection, ce qui est le cas des États-Unis, où il y a certes une partie des visas qui sont réservés à des gens qui apportent des capitaux ou qui ont des niveaux d'instruction élevés. Enfin, globalement, il n'y a pas de politique sélective aux États-Unis. Et alors qu'au Canada et en Australie, je vous ai montré à quel point c'était important. Plus de la moitié des migrants qui sont installés au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, plus de la moitié sont sélectionnés par un système à points, qui est un concours sur le capital humain. Soit sont sélectionnés par le système à points, soit sont les conjoints ou les enfants des lauréats. Et ensemble, les lauréats et leurs familles, pris en même temps, ce n'est pas du regroupement familial ex post, c'est en même temps, ça représente plus de la moitié des migrants dans des pays comme le Canada ou l'Australie. Ce qui est intéressant dans le cas du Canada, par exemple, c'est que pendant longtemps, le Canada, dès les années 70, avait ce système de sélection, mais le plus grand nombre de points qu'on pouvait accumuler, c'était lié au fait qu'on avait déjà des parents sur place, qu'on avait des sponsors ou des parrains appartenant à la famille. Et on avait l'idée que plus on avait déjà des liens sur place, une diaspora déjà installée avec des liens familiaux, plus les chances de s'intégrer seraient élevées. Et puis, progressivement, et d'ailleurs directement inspiré par des recherches de sociologues ou d'économistes qui posent un problème d'ailleurs éthique pour les chercheurs, on a modifié les critères et peu à peu ces critères sont devenus des critères de capital humain. Il fallait avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, il fallait avoir une maîtrise des langues, il fallait avoir des années d'expérience professionnelle et être ni trop jeune ni trop vieux. Et moyennant la réunion de ces critères, sur les 100 points possibles, vous pouviez presque tout de suite en avoir 50 et être éligible et voir votre dossier pris en considération par les autorités canadiennes. Donc ce système très sélectif, bizarrement, quand on regarde la littérature, le débat public et tout, on a un peu l'impression qu'il est beaucoup plus libéral que ce qui se passe aux États-Unis, à cause de toutes ces déclarations sur les murs, à cause du Homeland Security Law, etc. Mais en réalité, le système canadien est beaucoup plus dur que la politique américaine. Il n'y a pas vraiment de politique migratoire américaine alors qu'il y a une politique canadienne. Mais c'est une politique qui est très difficile à interpréter pour nous parce qu'elle ne fonctionne pas par quota, elle fonctionne par fixation d'objectifs qui essaient d'être le plus élevé possible. Le Canada actuellement se fixe des objectifs de migration pour les 3 années à venir qui sont de l'ordre de 300 000, puis 320 000, puis 330 000. Ils essaient de monter. Ils sont prêts à lever ce plafond en cas de crise de l'asile, par exemple, et ils l'ont fait il y a 2 ans. Et rapporté, évidemment, à la population canadienne 2 fois moins peuplée que la nôtre, eh bien, ça représenterait en France l'accueil de 600 000 personnes, et pas 250 000 titres de séjour comme ceux que nous accordons en ce moment. Donc, évidemment, invoquer le système canadien comme justification pour établir chez nous des quotas, c'est une erreur, c'est une lourde erreur. Ce n'est pas du tout le même système. C'est vrai que c'est sélectif, le système canadien, mais en même temps, c'est ça que nous avons du mal à comprendre, c'est sélectif, mais avec des quantités considérables, beaucoup plus importantes que chez nous. C'est sélectif sans barguiner sur la quantité. Nous avons beaucoup de mal à comprendre ça, parce que pour nous, sélectionner, c'est forcément réduire. Alors qu'au Canada, ils se permettent de sélectionner la crème de la crème et d'illustrer donc le poème d'Emma Lazarus revisité par mes soins. Ils se permettent de l'illustrer, mais avec, en attirant la fine fleur du capital humain mondial. Ce qui ne les empêche pas, et c'est ça qui est de tout à la fois illustrer la théorie du capital humain et néoclassique dont nous avons abondamment parlé, et d'illustrer aussi la théorie de la segmentation du marché du travail. Ils font les deux à la fois. En réalité, les deux théories ne sont pas incompatibles. Ça, c'est très important, et je crois que ça corrige aussi Douglas Massé, parce que le Canada utilise aussi des intermédiaires de la migration temporaire, et notamment les hispaniques, majoritairement rejetés par le système à points canadiens, parce qu'ils ne maîtrisent pas le français, l'anglais, avec les diplômes du supérieur qu'il faut, etc., sont très intensément utilisés par le Canada comme main-d'œuvre temporaire dans l'agriculture. Et l'agriculture canadienne, qui est très importante, c'est une des grandes agricultures mondiales exploitatrices, ne marcherait pas s'il n'y avait pas la migration temporaire hispanique. Une migration qui n'a pas envie de s'établir dans l'hiver canadien. Donc, vous voyez à quel point le brassage de toutes ces théories migratoires n'exclut pas, effectivement, de trouver des cas de figure quand même considérables. C'est les États-Unis, le Canada, c'est évidemment des exemples intéressants. Mais chez nous aussi, finalement, et on reviendra sur le cas français, qui, finalement, combine ou hybride plusieurs références théoriques. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter la série de François Héran « Pourquoi migrer ?». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à La Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons ce cours en compagnie de François Héran. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.